في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيام أعلم كأنه إنسان للي في نافو عندي دا دنيا ما الله نابع إنسان دا دنيا الله تعالى تسل كوني كما إنسان نابع بزن فيف الله في متن لالوا pour nous vivre dans دنيا. C'est lui qui peut aller en compte sur la loi là, lui sur la vie plus difficile. C'est lui qui peut vivre sur la vie de dunia d'après ce désir, sur l'envie. C'est qui lui dit, c'est qui se désire dire, lui pour gagner la vie difficile. C'est lui qui soumet lui avec ce qui Allah sur la loi. Comment une personne bien vivre? C'est lui qui soumet lui avec Allah sur la loi. Comment une personne bien vivre? Lit sur la vie pendant la joie et la tranquillité. Donc, parfois quand on achète quelque chose dans le magasin, il y a une petite bouclette, non. Comment pour aller lit, tenir lit, qui précaution bizarre prend. Parfois quand l'appareil là est bien difficile, il donne un guide avec vous, explique-vous la case. Allah subhanahu wa ta'ala fin créer une sang, lit qu'on y connaît, mais il y a la vie pour nous, comment bien vivre, il y a un guide Coran. Il y avait la loi Coran. Ensemble, il y avait un modèle qui Coran, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur la vie, c'est Coran. Quand nous guettons Coran, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il n'y a aucun scientiste, aucun modèle lecteur, aucun qui n'a plus belle connaissance de la dunia, capable de montrer nous comment nous avons une bonne vie, excepté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pena personne. Pena aucun intellectuel, aucun scientiste, aucun philosophe. Pena personne capable de montrer nous qui meille la vie dans la dunia. Et je peux faire ici, hein? Donc, vous pouvez faire ici. L'islam, avant l'islam, les mots, tu donnes Madame Tau. Et là, quand Madame a sur Michel Mot, Byzantien, Madame a ensemble avec son monsieur vivant. Et là, à l'époque, quand Madame a gagné sur période, il peut être ensemble séparé. Dans l'Arabie, en arabe, quand vous gagnez des enfants, tu fais quoi? Enterrer les vivants. Mais dans le fond, la terre, vivant. Comme ça, la bassesse, hein, les autres, ils font Madame Vini. L'islam, ils viennent, ils tiennent Madame dans le fond, la terre. Si tant l'islam est honorable à madame, si tant l'islam est une valeur à madame, ben n'a aucun la loi dans le monde qui n'est capable d'honorer madame, je dis la loi de faire madame comme un monsieur. Madame elle reste fait pas carabine, pas carabine comme un monsieur. Monsieur son travail l'autre, madame son travail l'autre. Quand nous faisons madame fait travail monsieur, le monde devient malheureux. Donc madame, l'islam, si tant fait honorer madame, l'islam, si tant fin honneur, madame, fin tient madame dans le fond de la terre, fin amener bien haute, jusqu'en bas, sur le bien de la jannat. On sait bien là? L'islam, si tant fin honneur, madame, fin tient dans le fond de la terre, fin mettre si tant haute, qui en bas, sur le bien de la jannat. Donc, il y a bien sûr un monde capable de montrer nous un meilleur mode de vie. Excepté l'islam, excepté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui va mener sur la vie Coran. Et lui vous suit mode de vie, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui sur la vie pour la tranquillité. La joie de la dunia même. Succès. Mais celui qui sur la vie à l'encontre, Coran, à l'encontre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur la vie pour la difficulté. Tout est un problème. Vendons musulmans fait une recherche. Dans l'Amérique, le temps qu'on peut faire recherche là, comment vous régler la situation? Je ne peux pas produire une madame juge. Je ne peux pas produire une madame avocate. Je ne peux pas produire un ministre, produire une présidente. Mais je ne peux pas produire une bonne maman. Je ne peux pas produire une bonne madame. Une bonne madame dans la case. L'Amérique pouvait dire là. Les mondes. Dans l'Amérique, il y a un chercheur, un homme musulman, qui fait beaucoup de recherches de la vie de Mandimoun. Il appelle Devon Shapiron. Devon Shapiron, il fait beaucoup de recherches, il fait une compile, une conclusion d'études sociologiques. Qui analyse le comportement et l'esprit et l'état d'esprit de Bandimoun. Il analyse la vie de Bandimoun. Des différentes cultures et religions. Il analyse les athées, les chrétiens, les bouddhistes, comment dire, communistes, socialistes, chrétiens, hindous, musulmans. Il analyse toute la vie. Les gens qui sont athées, d'après ce que c'est, ce sont nos musulmans là. Ban athée, ban qui pas croire en Allah, et n'a plus beaucoup suscité que Dieu. Suivi des ban bouddhistes. Les gens qui ban athée, dans le côté Dieu, n'a plus beaucoup suscité, et ban bouddhistes, parce qu'ils ban trempent la loi, Coran. Après, ben chrétien, puis ben hindou. Ça dit, moun là, non musulmans là, qui appellent Devon Shapiron, il a trouvé qu'il ban athée n'a beaucoup suscité, suivi des bouddhistes, plusieurs religions encore, vin chrétien après vin hindou. Les dix ban musulmans, les faire réchier de la vie ban musulmans, d'y trouver un musulman sur la vie ban musulmans, et n'en tout plus bas, chez tout ban qui religieux. C'est nos musulmans qui disent là. Les dix problèmes, difficultés, côté musulman plus bas. Et, si tout le monde qui est religieux, je prie dans bien. Les gens qui ont des doutes de leurs dînes de la religion. Les gens, beaucoup de gens ont des doutes de leurs religions. Si on vient du monde, c'est pas vrai, il a conviction sur la religion. Je vais aller ensemble sur l'église. Ça va vous donner. En fait, il y a un culte pour arranger Maurice. Un dimanche, pour ce talon, il a un l'agence bus. Pas le dimanche de l'agence. Pas musulman, une autre religion. Moi, vous savez qui est religion. Il a pour ce talon, pas le dimanche de l'agence, pour monter sur le lieu de culte. Sa compagnie Bissa, il contribue. Ben, Kassam, combien il a contribué, dis-moi? Les mêmes religions que ça, dimanche, qui est dimanche, Kassam, là. Combien il a contribué? Ben, Kassam, il y a 2000, ben, Jan. Compagnie, mais c'est dans l'argent, combien? Un 10 000. Ça, c'est pour la conscience qui fait ça, d'une conscience. Mais nous, un politicien vient de la télévision en BC, lui dire, get bad musulmans, quand je te montre, je te masjid, je te pas fier gouvernement, je te contribue, je te montre, je te masjid. C'est un musulman. Lui parle à bout de la meilleure personne, de la meilleure avec Allah, lui. Te pardonner, nous, Allah donné. Pour moi, dans ma vie, je ne suis pas la meilleure personne. Je ne suis pas fier de l'argent de la personne. Musulmans, nous nous contribuons à aller monter. Un musulman malade parmi nous, lui, il a fait l'argent, il a fait l'opération, nous contribuons. Là, au milieu, il a ramassé à vous, il a fait l'opération. Quand on a yakin là au rab, on a conviction qu'Allah vraiment existe, qu'Allah tout seul il crée nous. Ou pas payer pour donner l'argent, ou pas payer pour donner le temps, même où la vie vous donnez pour Allah. Allah nous dit l'islam. N'importe qui s'en a qui me suit mode de vie, l'islam, Rasulullah, le Bouddha, quand qu'il dit. Donc, les gens qui sont athées, je prie malheureux. Les gens de mon pays, de mon endroit, quand il y a un musulman, il y a moins soula, moins adultère, moins relations sexuelles en dehors du mariage. Ça, c'est aussi. Il a trouvé que les musulmans vivent plus bien dans le monde. Les gens de musulmans, des côtés de l'adultère bien, bien bas, bien tchikit. Les gens de religion, il y en a beaucoup, madame, trompe de péché. Mais dans l'islam, il est bien bas. Ça, c'est aussi. Les gens, ça cherchera Devon Shapiron. Plus un dimon vivent l'islam, et qui les dit là, il y a nos musulmans, les dire, il y a Halo Media, les dire, plus un musulman, les vivent l'islam, plus il y a bon la santé mentale, et il y a meilleur comportement, qualité, et il est senti en paix. Moi, je suis prêt dans qui, ou à ça, je vais gagner plusieurs. Il y a 6 à 7 droits de sable, il y a ça. Sur richesse qu'il fait. Donc, tout le monde qui vit l'islam, surtout nous remarquons dans l'islam, il y a une entente spéciale côté famille. Quand la famille, c'est une grande affaire. Parfois, je vais aller vite, moi, que d'autres. J'ai appris combien d'années, je vais aller famille pour jouer, surtout le lendemain, venir. Il y a un petit programme. Il y a un petit programme pour le faire. Famille, c'est le famille, c'est une cause. Pas le cause 45, ni pas le besoin de l'étang. Quand vous jouez encore, laisse-moi, qui vous a fait le programme là? Laisse autres jouer, rien que vous avez dîné en dessous, famille jouez. Le programme nous fait plus tard. La famille jouez là. Laisse autres jouez, pas de faire le programme. Mais vous avez raison, même ça. Donc, d'un côté musulman, un grand plaisir, famille jouez manger, boire. Comprends? Donc, quand vous faites du bien pour une bonne famille, quand vous aidez une bonne famille, Allah vous en dispense dans la vie. Quand nous faisons du bien pour une bonne famille, nous pouvons être une bonne famille, nous pouvons avoir une bonne relation avec une bonne famille, Allah vous donne une longue vie, hadith mentionné, pour la barakat de nous riz dans l'ensemble. C'est un nommé Abdussalam, un bonhomme, il est bien pauvre. Il a des enfants, ce madame, il est bien pauvre, parfois il a l'ensemble parce qu'il est un petit bébé bon. Bien pauvre. Finalement, il fait un sacrifice, il ramasse un petit l'argent, il a un bout de la terre. Pour le cultiver, afin pour lui capable de vendre ce bon légume, les gars qui sont à manger, pour lui capable de vivre cela, vie facile. Quand il a acheté sa bout de la terre là, Abdussalam, il a acheté sa bout de la terre là, il commence à cultiver, il commence à planter des légumes, ça peut, les légumes peuvent gagner, peuvent vendre, cela vie n'a pas. Ceci est une dérangée de venir, je dis que je suis content d'être associé avec toi. Je dis, mais la tête, si la tête, qui pourra t'associer? Qui compagnie pour faire? Mon message pour planter des légumes, nous ne pouvons pas vivre. Ceci est, nous, je suis content d'être associé avec toi. Nous organisons le travail, là, nous divisons le profit. Ça veut dire non. Si elle ne plaît rien, elle ne peut pas accepter des demandes, ceci. Si elle vient raconter à son maman, elle ne passe pas à papa, elle va finir de céder. Il raconte ça à maman. Maman, elle a dérangé de venir de ce bétail du salam. Elle était aussi acceptée. Pas seulement, elle a fait une compagnie. Je n'ai pas grand travail là. C'est ma Abdussalam, pas convaincu lui aussi. C'est ma ligne, il a accepté de prendre l'argent là. Il fait une compagnie, il fait les caisses. Maman content. Dis-moi bien, hein. Un jour, Abdussalam, il a fait un document sur papa, qui est décalé, qui est décédé. Il y a tout un papier qui glissait, il trouvait, qui papa il me fait une promesse, qui comme si un jour Allah fait moi une riche, Abdussalam, son papa, si un jour papa l'a dit, si Allah fait moi une riche, je vous donne si demain l'argent, je vous donne un septième, ça suffit à l'immérité, parce qu'il est pauvre. Papa ne fait ce souhait, avant les mots, si un jour Allah donne lui, il vous donne un septième, ça suffit là. C'est tout ce qui est Abdussalam. Son papa. Donc, maman, papa, ne va pas se valer. Quand il y a allé, qui va se valer, maman, papa? C'est menti. Quand il y a madame, mais monsieur, il est fatigué, moi. Il rôde ça. Il dit, pourquoi pas bon, monsieur? Quand il te calme, tiens, bon, monsieur, tu es bien guette, moi. Quand monsieur te calme, tu es bon, terrible, ça, tu es bon, terrible, tu fais ça. Là, il va se valer, monsieur. Quand monsieur pas devant. Comme ça, maman, papa, quand il y a, il va se valer. Quand maman était rare, elle ne regrettait pas de faire ça, pour lui. Mais tu faisais faire ça. Abdussalam, tout ça, puis là, qui se papa là, se chouait, pour donner ça à ce cher. Un septième, il fait une yette. Il vous divise ce travail en deux pour donner ce cher à ce port. Plus de ce port, si Allah fait les vins riches, il vous donne ce cher un septième. À cause de ce papa, désir ce papa. Comment il fait, il raconte comment il fait sa yette là. Quand on fait un yé, vous donnez mon chien à ce port, plus un septième de mon pauvre, vous donnez lui tout mon richesse, un septième là-dedans. Allah nous veut la porte de l'échelle pour moi, barakat de ça, nous venons bien, bien riches.